À l'occasion de la Journée du Soleil, a eu lieu un concours de chants folkloriques des membres des cercles artistiques des palais et des maisons des enfants. Les sélectionnés ont donné leur spectacle le 12 avril sur la colline Mangyong à Mangyongdae. Y ont assisté les permanents de l'Union de la jeunesse, les cadres intéressés, les jeunes et enfants.